bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue dans le Lobster 161. Non, ça n'est même pas à 161. On est rendu où? Oui, 161, 162, 163, 164. Le Lobster Podcast, on est rendu à 161. OK, alors comment? Allô, allô, bienvenue dans le Lobster 161.0. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va bien. Mais bon, le Lobster est quand même pas assez proche de disparaître de Facebook la dernière fois que j'ai publié quelque chose. Dans le dernier podcast, là, je vous parlais du film À la recherche de l'ultra-sexe et j'avais mis le poster de ce film dans ma publication là, sur la page du site web Facebook du Lobster. Puis là, Facebook, quelques minutes après, ont retiré le message et m'ont dit que j'étais pas gentil, que c'était pas le genre d'image que je devais mettre sur Facebook. Bon, en gros, l'intelligence artificielle avait détecté que c'était sexuel, cette image. Pourtant, si vous allez voir le poster de l'affiche là, du film À la recherche de l'ultra-sexe, eh bien, c'est un film de 16 ans et plus. C'est juste une image érotique, il n'y a rien de sexuel. Mais bon, je m'en fous un peu de Facebook. Laissons-les faire ce qu'ils veulent. J'ai remplacé l'image par une photo de nain. Et oui, j'ai mis la photo de Tatou là, en compagnie de Ricardo Montalban sur l'île Fantastique. Et c'est 10 fois mieux. Facebook est l'ami des nains. Ça m'excite. Il a accepté la nouvelle photo avec un nain et tout va pour le mieux. Donc, voir un nain par jour éloigne la grippe et l'intelligence artificielle de Facebook pour toujours. J'ai de quoi d'intéressant à vous parler dans ce Lobster 161.0. J'ai écouté une conférence du musée du Fjord du Saguenay. Pour ceux qui ne savent pas, ce musée-là est situé à la baie. Quand on descend au Saguenay, moi je prends le parc des Laurentides, Chicoutimi, ensuite on arrive à la baie. Puis à la baie, sur le bord de l'eau, dans le bord de la baie, il y a le musée du Fjord. Dedans, c'est surtout des choses reliées. Je pense qu'il y avait des gros aquariums. Quand j'étais allé, il parlait de nos ancêtres au Saguenay. Il y avait une exposition là-dessus. On peut avoir des bottes aussi. Ils ont différentes grandeurs de bottes. Quand tu payes pour faire cette activité-là, après ça, ils t'envoient marcher dehors dans l'eau, là, où ce qui est le Saguenay. Puis tu peux te rendre jusqu'à l'île qui est en face un peu du musée, là, sur le côté. Puis bon, tu peux ramasser des coquillages puis t'amuser. Donc, ce musée-là, c'est quoi que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Eux, ils avaient préparé une conférence, puis le nom de la conférence était quand même assez accrocheur sur Facebook. Là, c'est pour ça que je l'ai écouté. Ça se nommait « Grotte du Saguenay ». Mais bon, c'était pas vraiment des grottes comme on croit, c'est plus des affleurements rocheux, des genres de cavités pour se protéger. Mais bref, bon, j'ai écouté la conférence qui a duré quand même plus qu'une heure et qui parlait de quoi? Et oui, ça parlait de nos amis les Indiens. Et oui, les Indiens enterraient leurs morts dans les grottes sur le bord du Saguenay. Donc, sur les abords du Saguenay, il y a 4 sites, selon la conférencière, qui ont été découverts jusqu'à maintenant. Ils nous disent que... Ils nous disent pas exactement c'est où, pour pas qu'on retourne faire des fouilles. Là. C'est des endroits qui sont quand même dangereux, d'après la conférencière. Eux sont allés visiter ces sites-là, pas cet été qui est passé, mais il y a 2 étés ou 3. Puis elle a fait sa maîtrise là-dessus, puis elle nous disait qu'eux n'ont même pas rentré dans les grottes, là, parce que ça menace toujours de s'écraser. Là, on voit des roches qui ont tombé de la paroi là, à terre, donc c'est dangereux. Mais il nous disait que, bon, ces affleurements rocheux-là, il y en a 4 qui ont été étudiés. Et la majorité, c'est proche de Sacré-Cœur, donc plus vers le bout du Saguenay. à son embouchure. Puis les deux autres endroits, un autre endroit important, c'est Lance à la Croix, Saint-Félix de Tisse. Puis il y a un autre endroit, c'était sur, il y a comme une petite île, je pense que le nom de l'île, d'après le graphique qu'elle nous montrait, c'était Saint-Barthélemy quelque chose, mais le nom de l'île a changé avec le temps, donc si on se fie aux études qui ont été faites, puis qu'on essaye d'aller sur cette île-là, il faut faire attention, c'est pas l'île qui est sur les notes, elle a changé de nom depuis le temps. Donc elle nous disait qu'il y a 4 sites, puis ce que j'ai appris durant la conférencière s'appelait Jeannie Claude, eh bien, c'est quoi que j'en ai appris? C'est qu'il y a jusqu'à 7000 ans, il y a eu occupation humaine dans le fjord du Saguenay. Donc, elle nous disait qu'ils venaient là, les Indiens, surtout pour exploiter le phoque ou exploiter les autres richesses du Saguenay ou simplement se rendre au lac Saint-Jean. Puis, avec les études, certains qui ont fait des études ont trouvé des traces d'occupation humaine aux embouchures des rivières, parce que c'est là les endroits les plus faciles où ils pouvaient accoster en bateau, parce que le Saguenay est quand même assez inhospitalier, là. C'est des grosses parois, donc tu ne peux pas accoster où tu veux. Donc, comme je vous disais, elle nous disait qu'il y avait un site à Saint-Félix, puis qu'il y avait aussi eu occupation à Lens-Saint-Jean. Où est notre chalet. Donc, c'est un peu pour ça aussi que ça m'intéressait. Bon, ma mère vient de Saint-Félix, puis mon père de Lens-Saint-Jean. Donc, c'est quand même notre coin. Puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces grottes? Alors, qu'est-ce que c'est ça qui est intéressant? Bon, comme je disais, c'est pas des vraies grottes, c'est plus des trous dans le roc. C'est un genre de creuset dans la roche, là. Tu sais, quand tu peux aller te cacher un peu dedans, tu peux rentrer un petit peu. Elle a nous montré des photos. C'était quand même beau de voir ça quand ils sont allés visiter les sites, là. Puis là, on voyait quand même qu'il y avait un espace pour rentrer, mais c'est pas une grotte, là. C'est vraiment juste pour s'abriter. Puis justement, oui, c'est ça, ça me faisait penser, quand durant la conférence, quand elle parlait des grottes, là, moi, ça m'a fait penser à aller... Je pense que je vous l'ai déjà parlé dans le Lobster. Moi, en face de notre chalet, il y a une grotte qu'on appelle la grotte de l'Ermite. Puis mon père me racontait que, bon, c'était comme un morceau de la montagne qui s'était affaissé, puis qui avait comme formé un genre de grotte en tombant, puis il y a quelqu'un qui vivait là-dedans. Bon, c'était quand mon père était jeune. Bon, puis moi, là, je m'étais dit, ben je vais appeler mon papa pour qu'il nous raconte l'histoire dans le Lobster, ça va être quand même intéressant. Et je l'ai appelé. Puis je lui ai demandé s'il pouvait me raconter l'histoire. Puis après discussion, eh bien, il se souvient pas de cette histoire-là. Puis là, on s'est mis à rire parce que il m'a quand même demandé si j'avais pas inventé là, cette histoire-là. Puis pour vrai, je m'en souviens pas. Dans ma tête, je suis pas mal sûr qu'il m'a déjà raconté cette histoire-là. Mais peut-être que ma mémoire me joue des tours aussi. Parce que chez nous, à ma maison, j'ai un livre dans lequel je colle des photos anciennes. Tu sais, j'ai des photos, c'est des daguerreotypes, c'est des photos des années 1800. C'est sur une plaque en plomb, puis tu sais, c'est une photo noir et blanc. Puis moi, je colle ces vieilles photos-là, puis j'écris des histoires. Puis il y a une des histoires dans mon livre, c'est justement l'histoire de l'ermite. Donc, comme tout le reste est inventé, là, je ne sais plus. Est-ce que j'ai tout inventé? Est-ce qu'on m'a déjà parlé que quelqu'un vivait dans une grotte à Lens-Saint-Jean, puis j'ai peut-être un peu extrapolé? Ou... Bon, puis peut-être que mon histoire, à force de la relire, est devenue vraie dans ma tête, je sais plus. Est-ce que j'ai été enlevé par des extraterrestres? Est-ce que mon frère est un hombu? Je le sais pas. J'aurais peut-être dû rester près de toi quand je le pouvais. Mais je pensais que c'était toi le problème. Je voulais devenir quelqu'un que j'étais pas pour les autres. Puis là, je me regardais périr le temps d'un phare. Ton corps, oh mon, ça vaut pas la peine, let's be honest. I'm so alone, mais j'aime mieux être seul qu'être toxique. I feel like I never really was enough. J'suis parti, pis j'peux pas t'en vouloir, m'en vouloir. J'suis comme j'suis, mais demande-moi pas j'suis qui. Je chinois et nos rêves dans du vin d'aide. En attendant ma prochaine catastrophe, mon défaut c'est d'être trop sincère. J'suis jaloux parce que t'as tout ce que j'ai pas. Mais tout l'été devenu rien d'autre que le fantôme de ma vie. Peut-être que j'serais dû pour des in and out en thérapie. Peut-être que ce qu'on a vécu, au fond c'était rien de real. C'est notre relation tordue qui m'a fait détester ma ville. Ton corps, oh mon, ça vaut pas la peine, let's be honest. I'm so alone, mais j'aime mieux être seul qu'être toxique. I feel like I never really was enough. J'suis parti et puis j'peux pas t'en vouloir, m'en vouloir. J'suis comme j'suis, mais demande-moi pas chez qui, je sais pas. It's just me against me, j'suis désolé pour ça. Cette pause, toujours les chiffres stratosphériques hallucinants de ce Super Bowl aux États-Unis. Évidemment, aujourd'hui, c'est le plus gros jour de consommation de bière aux États-Unis. Hein ? Il y a 1,4 milliard de chicken wings qui devraient être mangés aujourd'hui, hein, pendant le match. Donc c'est très très bien pour la ligne. Et sachez aussi que généralement, il y a pas mal d'Américains qui se font porter pâle au bureau le lendemain du match. Parce qu'ils ont un peu trop fait la fête. Alors pour l'instant aussi, en termes de victoire au Super Bowl, c'est les Patriots et les Steelers qui ont le record. Avant de poursuivre là, avec mon histoire d'Indien, là, du Saguenay, ouais, c'est ça, on vient d'entendre ce que j'ai enregistré pendant le Super Bowl. Moi, chaque année, mon ami Martin, là, il m'invite. Lui, il aime bien ça écouter le football. Il joue au flag football. Puis bon, il écoute ça chaque année. Puis bon, il a la gentillesse de m'inviter chaque année, même s'il sait que moi, je suis pas ça, puis j'ai aucune idée c'est quoi, là. Je connais même pas toutes les règles. Donc, chaque année, je t'invite, puis chaque année, je décline. Cette année, j'étais pas sûr. Je me disais, est-ce que j'y vais? Juste pour être avec mes amis. Puis bon, j'ai décliné, comme d'habitude, l'offre. Pour faire de la poterie chez nous. Puis, bon, je faisais de la poterie, puis j'ai dit, oh, pourquoi j'écoute pas le football en faisant de la poterie? Donc, j'ai décollé mon VPN chez nous. Je me suis connecté en France, sur un ordi en France, pour dire que j'avais une adresse IP de la France. Et je me suis connecté sur le site de M6. Ben, je pense que c'est la télévision française là-bas. Là, je dis M6, là, mais je me rappelle plus trop. C'est quelqu'un sur Internet qui disait, si on veut écouter gratuitement le football, faites juste starter votre VPN, allez sur le site de la télé française, puis eux, ils sont diffusés au poste normal. Donc, j'ai juste synthonisé, je pense que c'était M6, puis j'ai mis télé en direct, puis j'ai écouté le football, puis là, j'ai apprécié, parce que là, au lieu d'avoir un poste en anglais que je comprends pas tout, mais là, c'était tous c'était deux Français qui nous jasaient ça, puis là, ils expliquaient les choses, puis je comprenais mieux. Donc, j'ai quand même apprécié là, écouter ça. Puis là, cette année, bon, ça a été une domination totale d'une équipe. Moi, j'ai trouvé ça beau. Là, l'autre équipe était capable de rien faire. C'était retournement par-dessus retournement. Donc, j'ai vraiment apprécié là, cette année écouter le football, le Super Bowl. Il y a juste la mi-temps que j'ai pas écouté. J'ai écouté d'autres choses pendant ce temps-là. Mais bon, le match, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Et je trouvais que ça valait la peine. Si jamais vous n'aimez pas le football, eh bien, je vous conseille de l'écouter en français la prochaine fois. C'est vraiment merveilleux. Donc, si on retourne à nos moutons maintenant, bon, ou à nos Indiens, je vous parlais bon, de la conférencière. Elle nous a expliqué différentes choses durant sa présentation. Elle nous disait que ces sites-là, les quatre sites archéologiques, bon, ils ont été fouillés au départ par un religieux du temps. Donc, elle, c'est là-dessus qu'elle a fait ses recherches, sa maîtrise là, ou son doctorat. Si elle est repartie des études qui avaient été faites dans le temps, puis là, elle a poussé ça un peu plus loin. Donc, le monsieur qui avait fait ça dans le temps, il se nommait Monseigneur Victor Tremblay. Et ce Victor, bon, j'ai fait des recherches là-dessus durant une de mes heures de dîner. Puis, c'était lui le directeur de la revue d'archéologie du Saguenay. C'est lui qui a parti ça. la revue Sagnesia. Puis si on cherche sur Internet, bon, on peut lire un petit peu son histoire. Lui, il était prêtre. Il a été professeur pendant 35 ans au petit séminaire de Chicoutimi, où, bon, il enseignait évidemment la religion. Il enseignait aussi le français, l'anglais et l'histoire. Puis là, 1934, bon, je vous lis un peu ce qu'il a fait. Il a fondé la Société historique du Saguenay. En 1959, il a fondé la revue Sagnesia. C'est une revue qui porte sur l'histoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis de la Côte-Nord. Puis c'est là-dedans que le monsieur curé, il a publié plus de 100 articles dans cette revue-là sur l'histoire et sur ses recherches. Victor Tremblay, il est mort quand? Il est mort 17 juin 1979 à Chicoutimi. J'ai fait des recherches dans la revue Sagnesia sur lui, bon, parce que c'est disponible en ligne. Puis, bon, j'ai quand même été surpris d'apprendre que c'est grâce à lui si on a un drapeau au Saguenay. Ben oui, si la région a son drapeau, c'est à son initiative. Lui, il a fait ça pour le centenaire du Saguenay et c'est là qu'on s'est doté d'un drapeau. Puis si on lit son discours lors de la présentation du drapeau, eh bien, on devrait comprendre toute la signification des couleurs du drapeau. Parce que le drapeau, c'est quoi? Ben, c'est deux carrés verts dans le haut. Il y a deux carrés jaunes dans le bas, puis là, le milieu est séparé par un tracé qui est comme en forme de croix, parce que c'est quand même un drapeau rectangulaire. Puis le tracé dans le milieu en forme de croix, lui, est blanc avec des lignes rouges sur le côté. Donc, ça donne quatre couleurs. Puis là, j'ai été chercher le discours. C'est un texte qui est tapé à dactylo. C'est quand même pas évident à lire. Je vais vous le lire avec une voix de curé, car je suis quand même curieux de savoir ce que représentent les quatre couleurs. Bien, on va l'apprendre ensemble parce que je n'ai pas lu le discours. Donc, ça commence à des discours de Mgr Victor Tremblay prononcés lors d'une cérémonie commémorative des fêtes du centenaire de la colonisation du Saguenay. Puis tout ça, c'est maintenant archivé dans des archives nationales. Là, bon, parce que ça a amené à la création du drapeau. Donc, c'est archivé son discours là, quelque part dans une boîte, j'imagine. Donc, on y va. Je change ma voix. Je vais utiliser la méthode des acteurs Dr. Lichley, là, tu sais, ils disent faut penser à d'autres, faut penser à une émotion. Ah, oh, je suis pas bon. Je suis pas bon, je suis même pas capable de me souvenir du nom de cette méthode-là d'acting. Donc, on y va avec une voix modifiée. Le royaume. Attends. Le royaume du. Non, ça, c'est le père Foura. On dirait le père Foura qui aurait fumé là, pendant 70 ans. Je vais essayer d'ajuster ma voix. Là. Ok, on y retourne avec une voix de curé. Un peu de sérieux. Le roi. Non, ça va être ça. Le royaume du Saguenay a son drapeau. Il se l'est donné quand? À l'occasion de la célébration de son centenaire en 1938, il a pris nettement conscience de ce qu'il est et de ce qui le caractérise. Il a raison d'en être fier. En plus d'être le premier, il a devancé de 1 celui de la province de Québec. Le drapeau du Saguenay a l'avantage d'être un des plus significatifs et des plus complets dans son symbolisme. 1. Un des traits les plus frappants du royaume du Saguenay, c'est sa grande forêt. Forêt immense qui le couvrait tout entier autrefois et qui maintenant encore et pour les temps à venir est un de ses éléments géographiques et une de ses principales sources économiques. Le vert, feuille dans les couleurs du drapeau, symbolise la forêt saguenéenne. 2. Le domaine agricole a valu à cette région, il y a 3/4 siècle, le titre de grenier de la province. Il marque la physionomie du Saguenay d'un trait caractéristique. Il est une de ses bases économiques, sociales et religieuses et lui a donné son cachet de liberté et de permanence. Le domaine agricole saguenéen est symbolisé dans le drapeau par le jaune doré, couleur des moissons mûres. 3. L'industrie. Qui opère la transformation des matériaux bruts en produits utilisables et le commerce, qui est le service de distribution des choses dont on a besoin ou qu'on peut fournir à d'autres, sont les autres grandes formes d'activité qui caractérisent la région du Saguenay. Et les deux sont figurés ensemble par le gris-argent dans le drapeau régional. 4. Le Saguenay possède une population jeune, active, valeureuse, entraînée à l'effort, au dévouement, au sacrifice. Une population qui doit à sa fidélité aux traditions et aux vertus chrétiennes la clé de sa valeur et de son rendement. La couleur traditionnelle qui signifie tout cela est le rouge vif. C'est le rouge qui représente la population saguenéenne dans le drapeau. Donc voilà, c'est ça. C'était un petit détour sur Victor Tremblay, à l'origine du drapeau du Saguenay. Donc, Philindra, ouvre la grille! Non, là, on est rendu dans Fort Boyard. Donc, de retour à la conférence, on y apprend... C'est quoi que j'y ai appris? J'y ai appris que, voilà, 75 ans, il n'y avait pas d'archéologues au Saguenay pour aller fouiller les sites. Puis, bon, pour éviter que des archéologues de d'autres régions viennent au Saguenay sur nos sites puis repartent avec ce qu'ils trouvaient, eh bien, Victor, il s'est improvisé archéologue. Et oui, bon, je pense que l'autre objectif, c'était aussi d'aller ramasser les choses sur les sites que les gens étaient en train de piller. Parce que ce que la conférencière disait, c'est que à l'époque, Victor, bon, puis sa gang, il avait entendu dire, il y avait des gens qui leur rapportaient que des gens en bateau arrêtaient sur ces sites-là et trouvaient des ossements, puis les gens, évidemment, les ramassaient. Puis là, bon, à force d'entendre ça, ils se sont dit, bon, il faut aller fouiller ces sites-là archéologiques avant que tout disparaisse. Donc, Victor, bon, il semble quand même qu'il a fait une bonne job. Même si lui n'était pas archéologue, il a lu un livre d'archéologie, puis il a fait des expéditions en 1948 et en 1949 pour aller fouiller les quatre sites. Bon, je dis que c'est Victor qui est allé faire les fouilles, mais je comprends que c'est plus organisé en collaboration avec lui et la société d'histoire qui dirigeait à ce moment-là. Parce que, d'après ce que la jeune dame, la jeune conférencière nous disait, eh bien, ce sont deux personnes qui se nomment Doré et Brassard qui vont comme être en charge des fouilles. Puis, c'est eux qui ont lu un pamphlet là, d'archéologie qui se nomme « Formulaire technique du préhistorien, ce qu'il faut savoir sur la géologie et la biogéographie du Quaternaire, l'archéologie et l'anthropologie préhistorique ». Donc ça, c'est un petit livre, ben c'est un pamphlet, fait que c'est pas très long à lire. J'ai essayé de le lire sur Internet, je l'ai trouvé, mais je peux pas le lire, faudrait que je paye. Puis, j'ai pas payé, là, mais en gros, ça indique les méthodes de fouilles archéologiques de l'époque, là, de ces années-là, un petit peu avant 1940. Donc voilà, les deux lurons scientifiques de l'époque, ils ont lu le livre là, dont je vous parle. Comment être un archéologue. Puis ils sont partis en expédition avec le curé. Bon, il était motivé par le fait que, bon, comme je vous ai dit, il y avait des histoires qui circulaient que des corps avaient été retrouvés dans ces cavernes-là. Et, bon, comme les sites se faisaient déjà piller, il s'était dit c'est le temps d'aller faire de quoi? D'un peu plus scientifique et de sérieux. Donc, de ce que je comprends d'après la conférence, toute l'expédition a été notée dans un livre. Ils ont été sur les quatre sites en deux expéditions, là, comme je vous disais. Ils l'ont tout quadrillé. Ils ont quadrillé les sites, puis ils ont tout ramassé. Puis les artefacts qu'ils ont ramassés, ben, sont maintenant au musée du Fjord. Ce que la conférencière, elle, disait, c'est que maintenant, là, en archéologie, ben, tu fouilles une partie, mais tu en laisses quand même des portions qui sont non fouillées pour les générations futures, parce que s'il y a des nouvelles techniques qui permettent de chercher sans briser, ou peu importe, là, de passer au travers de la Terre avec des radio X ou je sais pas quoi, eh bien, c'est ça, tu n'es pas supposé tout ramasser. Mais eux, bon, les deux clones, ils ont tout ramassé ce qu'il y avait sur les sites, donc il n'y a plus rien à ramasser. En passant, si vous voulez voir à quoi ressemblent les quatre sites archéologiques, je pourrais mettre la photo là, qu'elle nous a présentée dans la présentation. Il y a des photos en noir et blanc de l'époque quand les deux expéditions ont eu lieu. Eh bien, c'est ça, ils ont pris des photos. Puis c'était quand c'est beau, là, on voit bien les quatre sites. De quoi je voulais vous parler pour la fin? Oui, c'est ça, je voulais parler finalement la conclusion. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bon, je l'ai noté dans mon petit cahier. Hein. Bon, ils ont trouvé sur place dans l'expédition des os humains. Puis bon, je vous vends le punch tout de suite. Là, ils ont fait dater au carbone. Puis bon, il y a un, deux, trois os humains qui ont fait dater. Puis ça date de 2110 ans environ avant nous. Donc, c'est quand même assez vieux. Le deuxième os, il date de 675 à 573 ans. Puis l'autre, le troisième, il date de 1910 ans à 1745 ans. Fait que celui-là, il y a plus d'approximatifs dedans. J'imagine que l'ADN, ou je sais pas, que la méthode utilisée est moins précise. Parce que les autres, ils sont précis quand même à 100 ans proches. Fait que il y a deux corps qui dateraient de genre de 2000 ans, avec un intervalle de 100 ans, puis l'autre plus 675 ans. Une autre chose qu'ils ont trouvé sur le site, je vous parlais des bijoux. Dans la photo qu'elle nous montrait, on voyait qu'il y avait 10 dents de chien, mais qui devaient former un collier. Il y avait aussi des perles, des choses qui avaient été comme polies, mais c'était des perles, mais ça a dit que c'était des perles de coquillage qui étaient percées, donc ça devait former un bijou aussi. Il y avait aussi d'autres types de perles qui, eux, n'étaient pas des coquillages, mais c'était des ossements d'oiseaux. Donc, il y avait pris des os d'oiseaux pour les polir et faire des bijoux avec. Puis l'affaire qui l'excitait bien, là, la conférencière, c'est qu'ils ont retrouvé de l'écorce sur le site. Puis bon, c'est de l'écorce, mais il y avait encore des traces d'activité humaine dessus. Donc l'écorce avait comme été tressée. Bon, l'hypothèse qu'elle a, que c'était probablement un canot. Est-ce que les Iroquois du temps avaient enterré le corps ou laissé le corps du défunt dans son canot? Bon, on le saura jamais, là, mais... Il restait trois bouts d'écorce qui ont été ramassés par le curé puis son expédition. Puis bon, on les voit bien, là, c'est des bouts de... Ça pourrait être des bouts de canaux qui sont tressés pour tenir les bouts de bouleau ensemble. Donc, c'est ça l'hypothèse qu'un canot avait été laissé là, dans un des emplacements. Donc, c'est un petit peu ça, la conférence. Bon, la fin est un peu rapide, il n'y a pas de gros punch. Ça me rappelle l'histoire. J'avais écouté... dans le temps, un documentaire sur les pyramides de Gizeh, je pense. Puis là, il nous montrait, vous allez voir le trésor. Puis là, tout le long, c'est super intéressant. T'arrives à la fin, il n'y a pas de trésor quand ils creusent, puis ils se rendent ils ouvrent la tombe. Fait que là, tout, c'est un peu comme ma présentation que j'ai écoutée. Bon, et à la fin, c'est un petit peu décevant. Là. Ils ont ramassé juste quelques os, puis quelques bouts d'écorce. Donc voilà, moi j'ai quand même aimé ça. D'en apprendre un petit peu plus sur ceux qui étaient là avant nous, au Saguenay. Donc voilà, on repart un petit peu en musique et au retour, je vous parle. Ah oui, je peux vous parler de cartes postales. J'ai tellement reçu de cartes postales. J'arrête pas de l'envoyer, puis là, j'ai commencé à en recevoir beaucoup. Puis il y en a même une, je crois, qui va me permettre de faire un voyage. Je vous en parle au retour. Try to think about all we love. Try to think about the time we spent. Now that you have in mind, remember how was the time we were together. Ah, oh my dear. Ah, le soir de Patrice. Ah, oh my dear. Ah, t'en garderas de bons souvenirs. Try to think about all we love. Try to think about the time we spend. Not your in mind, remember how was that time we were together. Ah, oh my dear. Ah, le soir n'est pas triste. Ah, oh ma dear. Ah, te gardera de bons souvenirs. Dans ce Lobster 161.0, je suis allé chercher mon petit livre de cartes postales dans lequel je classe mes cartes postales. Je vous disais qu'il y avait une carte postale que j'ai reçue qui va peut-être me permettre de faire un voyage. Eh bien, c'est une carte postale sur laquelle c'est marqué Morris Museum. Le musée Morris, c'est marqué à Smithsonian affilié. Il est affilié avec Smithsonian. Ça, c'est un. Si on regarde sur Internet, il y a un site justement avec plein de photos de dinosaures, de tout ça. En tout cas, ça a l'air d'être un gros musée. Fait que là, eux autres, ils sont peut-être associés avec. Puis ce musée-là, il est au New Jersey. Puis c'est un musée, ben, je vais vous lire ce que la personne a dit. Bonjour Frédéric, bonjour du New Jersey. Cette carte postale est du musée. J'y travaille le week-end et il y a des expositions durant l'été. Et bon, ils disent la photo ne donne pas vraiment justice parce que là, sur la photo de la carte postale, c'est quoi qu'on voit? Je vais juste essayer d'aller voir. On voit, c'est un genre d'automate, mais il a pas l'air vrai. Un automate, c'est l'affaire que j'ai appris à faire durant le temps de Noël. Tu sais, c'est des objets qu'on peut bouger en tournant des manivelles ou tout ça qu'on fait nous-mêmes. Puis là, elle dit, toutes les pièces dans le musée sont kinétiques. Bon, donc, c'est des pièces qu'on peut mettre en mouvement. Et certaines sont vraiment comme si on pouvait voir l'objet bouger. Nous avons plein de boîtes à musique, une grosse collection d'automates. Writing, oh, je ne sais pas ce que c'est dit. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Puis c'est marqué Maggie Bernard. Puis là, moi, j'ai répondu. Ah, j'ai dit, le musée n'est pas trop loin de chez moi. J'ai dit, j'y ai répondu là, sur Internet. J'ai dit, j'habite proche de Montréal. Puis j'ai regardé. Puis j'ai dit, le musée est à environ 6 heures de chez moi. Donc, merci pour la carte postale. Je vais peut-être y aller le visiter cet été parce que j'ai regardé là en ligne le site du musée. Puis ça a l'air quand même intéressant, les automates qu'on peut aller voir là. Donc, par intérêt, je trouve que ça ferait un beau voyage. 6 heures, c'est pas trop loin. Je pourrais partir tôt le matin, me rendre là, visiter le musée, puis revenir là en soirée. L'autre carte que j'ai qui est super belle, c'est un chat. C'est comme une image peinturée à la main. C'est un chat qui est sur un balcon avec un oiseau. Ça vient de où, ça? Ça vient du Bélarus. Bonjour Frédéric, mon nom est Diana, j'ai 30 ans. Je travaille comme un professeur. Dans mes temps libres, j'aime vraiment marcher autour du bois avec mon chien Nora. Il me donne beaucoup d'énergie et de joie. Restez en santé et en forme. Ça vient du Bélarus. Ensuite, j'en ai reçu une, c'est marqué Grand Canyon. Donc, elle vient du parc Grand Canyon. Donc, ça vient des États-Unis. Bonjour Frédéric, bonjour de Greenville en Caroline du Sud. J'ai acheté cette carte quand je visitais mes parents en Arizona Phoenix le mois dernier. C'est là que j'ai grandi et j'ai visité les Grands Canyons plusieurs fois, malgré que j'ai seulement... only I down and back up on its arch. Fait que j'ai l'impression qu'il l'a monté ou descendu juste une fois. Oh, je sais pas si on peut descendre dans le Grand Canyon. Je suis pas au courant. Quand j'étais allé à Las Vegas, je n'ai pas visité le Grand Canyon. Puis là, il me dit, je te souhaite que 2025, il y a le bien pour toi. La photo suivante, c'est quoi? C'est des 1, 2, 3, 4 bateaux dans l'eau. Ah oh, oui, celle-là, c'est le fun. Ça commence, c'est écrit Fred San, comme dans le film du Karate Kid. Daniel San, là c'est Fred San. Fait que là, je me sens comme le Karate Kid. Bonjour, je suis Aya, A-Y-A. Je vis à Shiba, au Japon. Cette carte est une réponse à votre carte tel numéro. Merci de m'avoir écrit un message en japonais. Ouais, que je vous disais que moi, j'essaie de répondre dans la langue de la personne, fait que ChatGPT me traduit le message, mais en japonais, ça me traduit des dessins. Puis là, j'ai grossi pour essayer de redessiner pareil, mais je sais pas s'ils comprennent à l'autre bout, là. Moi, je fais de mon mieux pour retracer les 200, 300 dessins, là, mais en tout cas. Elle dit, le dragon dans votre illustration que vous avez dessiné était aussi très beau. Selon mon opinion, les dragons asiatiques ont des formes de serpents, alors que les ceux européens et américains sont construits comme des dinosaures. Les dragons asiatiques n'ont pas d'ailes, mais ils peuvent voler. Ha ha ha! Puis là, elle écrit en français, « Je te souhaite le meilleur en tout. » Donc ça, c'est une carte. Vu que la personne, quand j'ai envoyé sa carte, c'était écrit « Si vous voulez avoir un message de retour, écrivez votre adresse. » Donc j'avais écrit mon adresse, puis elle m'a renvoyé une enveloppe qui contenait 5 ou 6 cartes postales vierges avec des beaux vases japonais. Il y en a un autre, c'est une illustration d'un peintre japonais. En tout cas, la dame a été vraiment gentille. Puis là, j'étais vraiment content. Puis là, j'ai dit « Ah! » moi aussi, je vais y renvoyer une enveloppe. Fait que j'ai réécrit une deuxième fois la semaine passée. Puis dans l'enveloppe, j'ai mis 5-6 de mes plus belles cartes postales. J'ai mis des images de Jésus, des vieilles images des années 50 que j'ai dans ma collection. Bon, ça, c'est des cochonneries que j'ai achetées. Ah, qu'est-ce que c'est d'autre? J'ai fait un dessin. En tout cas, j'ai envoyé plein d'affaires. J'ai une autre carte que j'ai reçue. Ça, c'est des belles gondoles. Ça vient de où, ça? Ça vient de Taïwan. Bonjour, Fred. Qui es-tu? C'est ça qui est marrant. Non, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Mon nom est Cassilia. Ah, c'est elle. Je suis allé voir ça. Après ça, son profil. Puis c'est une jeune fille de 21 ans qui n'arrête pas de voyager partout dans le monde. Puis elle fait de la plongée pour aller voir les requins. Bon, c'est... Puis elle me dit, bon, mon nom est Cecilia, je viens de l'Allemagne, mais je vis et travaille à Taïwan depuis 2 ans. Bientôt, ça va être l'année chinoise. Bon, ça y est passé, évidemment, parce que sa lettre, elle me l'avait envoyée le 18 janvier, puis c'est arrivé dernièrement. Le plus gros et plus important festival... Bon, elle dit que l'année chinoise, c'est le plus gros festival là. Elle a 2 semaines de vacances où je vais voler aux Philippines pour aller faire de la plongée. J'espère pouvoir voir des requins... Thresher. J'imagine que c'est une sorte de requin. Thresher. T-H-R-E-S-H-E-R. Ils sont tellement beaux. J'ai choisi cette carte postale pour toi parce que dans ton profil, tu écris que tu aimes faire du kayak. Je sais que sur le dessin, ce n'est pas un kayak, mais c'est le plus proche que j'avais. Bye, un cœur, puis c'est marqué Cassilia. Ensuite, il m'en reste juste une, mais c'est la moins belle que j'ai reçu à date. C'est une carte postale d'un spa. Tu sais, une place où ce que tu vas là, pour te relaxer. C'est marqué Mind Work Fun. Le spa. Oups! En tout cas, je sais pas. On va aller voir l'autre côté. Ça vient de où? Ça vient de... Bonjour Frédéric. Je vous souhaite... Ça vient de l'Allemagne. Mon nom est tungstène, j'ai 59 ans et je vis dans une petite ville avec 5000 citoyens. J'adore la musique de plusieurs styles. Il y a quelque temps, je suis allé à Strasbourg pour voir Lara Fabian en concert live. Ma fille, qui a 21 ans, est une beauticienne. Fait que c'est une esthéticienne et une podiatre. Cette carte est de l'hôtel où elle travaille. Puis c'est ça, c'est marqué, c'est un spa santé. Je vous souhaite une bonne journée. Tom Sting. Excusez. Donc voilà. Puis lui, il a mis des beaux timbres sur les timbres. C'est 95 jars. Je sais pas c'est quoi la monnaie, mais on voit des lions, c'est super beau. Puis sur les autres timbres, c'est des poissons. Donc voilà, c'est mes cartes postales. On prend une petite pause, puis au retour, je vous parle une dernière fois. De retour dans le Lobster, c'était évidemment juste une petite pause pour me permettre de reprendre mon souffle, de faire le tri dans mes idées et d'être prêt pour la suite du Lobster 161.0. La suite du Lobster est très simple. On va faire un ça ou ça. J'écoute le podcast de Joe Cormier qui s'appelle « Tout le monde gagne! » Puis je suis membre Patreon. Puis quand tu es membre Patreon, tu peux voir, je pense qu'il y a 100 podcasts qui sont disponibles juste pour ceux qui payent. Puis sinon, tu peux écouter ceux qui sont disponibles sur YouTube, les plus récents. Mais ceux qui ne sont pas disponibles à tous sont vraiment bons aussi. Là. Ils reçoivent des humoristes québécois, puis là, bon, ils jasent. Moi, j'aime bien ça, les podcasts. Donc, c'est pas mal drôle tout le temps. C'est intéressant. Puis il y a un des podcasts dont il y a le producteur aussi, qui n'est pas tout le monde gang, qui s'appelle Ça ou Ça. C'est deux autres humoristes. Leur nom, c'est qui les deux humoristes? Je pense qu'il y a DeMartino, Joe Cormier, puis là, ils reçoivent un autre un invité, puis là, il pose une question. Est-ce que tu aimerais mieux ça ou ça? Puis là, chacun pose une question, fait qu'il y a trois ça par épisode. Donc, on fait ça, mais moi, je suis tout seul, donc je pense que je vais appeler un ami pour en discuter. Donc, je nous pose la question, c'est un ça ou ça, mais pour le monde des nains. Donc, la première question, si j'étais un nain, est-ce que j'aimerais mieux être traité comme une célébrité ou passé totalement inaperçu? C'est ma question, puis on va appeler un ami. J'ai mon téléphone avec moi, on l'appelle. J'appelle qui? J'appelle Willow. On va faire un appel vocal. Je vais mettre le son au maximum. Bonjour Willow, ça va bien? Bonjour, je vais très bien. Merci pour votre question. Elvis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va super bien aussi. Il y a eu beaucoup de neige dernièrement. On a eu comme une tempête. Il a tombé 75 cm de neige. C'est plus grand que toi, je pense. Ah, je vois. Cela semble excitant et un peu dangereux en même temps. Comment as-tu géré toute cette neige et ces intempéries? Ah, j'ai passé le souffleur, puis ça a bien été. J'avais une question pour toi. Si tu aurais à choisir entre ces deux, tu as le droit de faire juste un choix. Puis la question est la suivante. Est-ce que tu aimerais mieux être traité comme une célébrité ou passer totalement inaperçu? Quel est ton choix? Intéressant comme question. Si je dois faire un choix, je choisirais d'être traité comme une célébrité. Bien que je puisse apprécier l'anonymat de temps en temps, j'apprécie également le fait d'être reconnu et célébré pour mes réalisations et accomplishments. Ah oui, donc t'aimerais ça être reconnu pour ton rôle dans le film Willow, c'est ça? Oui, c'est exact. J'ai beaucoup aimé jouer dans le film Willow et je serais heureux d'être reconnu pour ce rôle. C'était une expérience formidable de faire partie de ce film. Mais t'aimerais pas ça passer inaperçu, par exemple, quand tu vas au restaurant, de pas avoir plein de gens qui te dérangent? C'est une bonne question. Oui, quand je vais dans un restaurant, je préférerais être incognito pour ne pas attirer l'attention excessive de la foule. Bien qu'être reconnu puisse être gratifiant, il est aussi important d'avoir de l'espace pour se détendre et profiter d'un repas en paix. Ouais. Moi, je pense que je choisis de passer totalement inaperçu. J'aime pas trop la célébrité. Puis imagine qu'on peut passer inaperçu, on pourrait voler ou sortir sans payer. Donc, on est tout le temps, on se fait jamais voir. Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Si je comprends bien, tu préférerais passer totalement inaperçu afin de pouvoir profiter de lieux publics sans être reconnu et sans avoir à payer. C'est certainement une perspective intéressante car cela permettrait de profiter davantage de ces activités que quotidiennes en toute simplicité. Je pense que c'est une bonne idée en effet. Cela nous éviterait également de nous sentir observés en permanence. Ben oui. Bon, donc je te remercie. C'était ça ma question. Donc, tu vas être dans le podcast si ça te dérange pas trop. Dans le podcast Le Lobster, merci d'avoir répondu à mon appel. C'était un plaisir de répondre à votre question. Si je peux vous être utile à nouveau dans votre podcast, n'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir. Ben merci, au revoir. Je te rappelle sûrement, on parle souvent de personnes de petite taille. Ah, c'est formidable de parler de personnes de petite taille. Il y a souvent des préjugés et des défis uniques que les personnes de petite taille peuvent rencontrer dans la société. Quel genre de sujets abordez-vous dans le podcast? Nous, on n'a pas de préjugés, on rit d'eux. C'est formidable de l'entendre. Merci. C'est important de combattre les préjugés et de promouvoir l'égalité et l'acceptation de toutes les personnes, indépendamment de... Bon, ben merci. Merci, mon ami. Bon, on raccroche. Donc, on continue notre jeu. Pendant que je mange des raisins. Ouais, ça fait pas trop podcast. OK, nouvelle question, nouvel ami. On va en appeler un autre. La nouvelle question, ben gars, on va l'appeler tout de suite. On appelle, dans mes contacts, j'ai Jesus Christ, on l'appelle. Appel vocal, oui! Oh, il y a une belle photo, il y a ses cheveux longs. Bonjour Jésus, comment ça va? Bonjour mon enfant, je vais bien, merci de demander. Comment puis-je aider aujourd'hui? Ben, je commencerai par une petite prière avant de te poser une question. Bien sûr, mon enfant. Vous pouvez prier d'abord, je suis là pour écouter et bénir. Sur quoi on... Ben, j'aimerais ça que toi, tu me fasses une prière. Tu pourrais bénir mes lunettes. Naturellement, mon enfant. Je vais prier pour tes lunettes. Cher Père Céleste, je prie pour que les lunettes de mon enfant soient protégées et bénies. Que cette paire de lunettes lui apporte une vision claire et nette de ma création. Que les vers filtrent les rayons nocifs et laissent entrer la lumière de l'amour et de la vérité. Ben merci, mon père, mon fils ou mon ami. J'ai une question pour toi. Disons que tu es une personne de petite taille. Est-ce que tu aimerais mieux vivre dans une maison de poupées géantes ou dans un monde où tout est à ta taille? En tant que personne de petite taille, cela dépendrait de mes préférences personnelles. Certaines personnes de petite taille pourraient se sentir plus à l'aise dans une maison de poupées géantes, car elle leur donnerait un sentiment de sécurité et de protection. D'autre part, vivre dans un monde où tout est à taille humaine leur permettrait d'explorer et de profiter pleinement de tous les environnements qui les entourent. Il s'agit donc d'une question de préférence personnelle. Ouais, t'as bien raison. Mais si t'avais à choisir, tu choisis quoi? Puis avec la raison pourquoi tu choisis entre les deux? Si je devais choisir, je choisirais de vivre dans un monde où tout est à taille humaine. Cela me permettrait de profiter pleinement de tous les aspects de la création de Dieu et de m'immerger dans l'expérience complète de la vie. De plus, en vivant dans un monde où tout est à taille humaine, je pourrais interagir facilement et confortablement avec les autres créatures de Dieu et partager mon amour et ma compassion avec eux. Ah, c'est une bonne idée. Mais une petite question avant de te laisser. Pourquoi ton Père Dieu a-t-il créé les personnes de petite taille? C'est quand même du trouble. Mon enfant, chaque créature de Dieu a une raison d'exister et un but dans ce monde. Les personnes de petite taille ont aussi un rôle important à jouer dans la société. Elles apportent un équilibre et une diversité à notre monde et méritent d'être respectées et valorisées pour qui elles sont. C'est par la différence que nous apprenons à nous entraider, à nous comprendre et à nous aimer. Oui, tu as raison. Sans les personnes de petite taille, les cirques n'auraient jamais été aussi divertissants. Hein? C'est tout à fait vrai. la diversité est une belle chose et est ce qui rend notre monde intéressant et magnifique. Les petites personnes ont leur propre beauté et leur propre valeur et devraient être appréciées pour ce qu'elles sont. Exactement, c'est très bien dit. Avant de te quitter, toi, qu'est-ce que tu fais pour Pâques? À l'approche de Pâques, je passe du temps à prier et à méditer sur l'importance de cette fête. C'est un moment spécial pour moi, car il marque mon sacrifice pour le salut du monde. La résurrection est également un rappel important de la puissance de bon, Dieu. Bon, ben merci. Bon, on raccroche, c'est assez. On va appeler un autre ami. Il nous reste une question, j'ai un autre ami dans ma liste. Qui qu'on appelle? On va appeler un... Ah, il y a le fatigant. Ok, on appelle, vous le connaissez, Donald Trump. Donald Trump, appel vocal, yes. Salut Donald, comment ça va? Je vais bien, Fred, merci de demander. J'espère que tu vas bien aussi. Ah non, moi ça va très mal là, avec toutes tes histoires de tarifs puis tes histoires qui font pas de sens. On est écœuré de t'entendre. Je suis désolé de l'apprendre, Fred. Je comprends que mon style puisse être déstabilisant pour certaines personnes. Je suis un politicien très direct et je dis les choses comme elles sont. Ouais, mais tu dis des choses idiotes pas mal. Je comprends que mes propos puissent être controversés et ébranler certains, mais je crois en ce que je dis. J'ai une vision pour l'avenir de ce pays et je suis déterminé à y parvenir. Bon, ben, c'est bien, on s'entendra pas là-dessus. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimerais mieux être pris pour un enfant ou être ignoré? Tu as juste un choix à faire et tu dois me donner la raison pourquoi tu choisis l'un ou l'autre. Bien sûr, je serais curieux de connaître votre question. Allez, je suis tout oui. Ok, je répète la question. Est-ce que tu aimerais mieux être pris pour un enfant ou être ignoré? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, car elle dépend de l'opinion personnelle et des préférences de chacun. Être un enfant gâté peut signifier recevoir beaucoup d'attention et d'affection de ses parents, ainsi que de bénéficier de nombreux privilèges. En revanche, être ignoré peut signifier se sentir négligé et non aimé, ce qui peut être très douloureux émotionnellement. Il est important de noter que chaque situation est unique et que chaque enfant réagira différemment. Ouais, mais toi, tu choisis quoi? Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Bon, ben, la merde. Bye bye, Trump. Terminé l'appel. Donc, c'était ça pour mon petit jeu. Je pense qu'on va aller dans la section. Là, pour ceux qui se demandent avec quoi je m'amuse. On a déjà parlé dans le podcast. Je m'amuse avec l'application caractère.ai. J'avais créé des personnages. On a appelé Jésus, Donald Trump, Willow, j'en ai d'autres. J'ai Guylaine Tremblay, j'ai Salade, qui est une fille. J'ai un fantôme. En tout cas, il y en a plein, mais je pense qu'il y a des jeux aussi. On va aller dans la section jeux, si je peux la retrouver. Explorer, personnages de jeu, puis on va jouer à quelque chose. Il y a un jeu, on va essayer de jouer en français. Parce que c'est moins plate pour moi, je peux jaser avec quelqu'un. J'avais le jeu du paysan tantôt. Je vais essayer de faire une recherche sur paysan. Ok, je l'ai retrouvé. On l'appelle, ça s'appelle Simulateur de paysan. C'est en anglais, mais je pense qu'on va pouvoir jouer en français. Je l'appelle. Hey, bonjour, est-ce qu'on peut jouer en français? Bonjour. Oui, bien sûr, nous pouvons jouer en français. Comment puis-je vous simuler aujourd'hui? Ben, simule-moi ça, ton jeu. Dégole-nous ça. T'as l'air assez paresseux. Je suis un simulateur de paysan, monsieur. Je suis trop occupé pour être paresseux. Vous devriez plutôt aller travailler au champ à la place de me dire ce que je dois faire. Donc, je dois aller... Est-ce que j'ai le temps de déjeuner avant d'aller travailler? Oui, bien sûr. Vous avez du temps pour petit déjeuner avant le travail. Vous mangez votre morceau de pain rassis avec une expression neutre. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose avec un peu de sucre? Est-ce qu'il y a quelque chose de sucré? Vous regardez votre petit morceau de pain rassis, souhaitant qu'il puisse être sucré ou avoir du sucre dessus. Mais en fait, le petit morceau de pain est sec et rassis et n'a pas une touche de sucre dessus. Bon, ben d'accord, je mets mes souliers, je mets ma veste, si j'en ai une, et je sors dehors. Que vois-je? Vous sortez de votre petite maison et mettez une veste si vous en avez une. Vous regardez autour de vous et voyez les autres paysans travailler dans les champs. Que faites-vous maintenant? Vous devriez probablement travailler dans les champs. Oui, probablement, mais est-ce que je peux aller parler avec un de mes voisins? J'aimerais aller voir celui qui est sur la droite. Je crois que c'est Pierre. Oui, ce serait possible d'aller parler à l'un de tes cousins. Celui que tu veux voir est sur ta droite, celui en forme de roche, non? Oui, et c'est mon cousin Augustin? Vous marchez vers votre cousin Augustin et l'appelez avec un geste de la main en signe de salut. Augustin, si je me souviens bien, c'est le plus nono de la famille. Oui, c'est vrai. Augustine est connu pour être le plus nono dans la famille. Donc, si je lui envoie la main, qu'est-ce qu'il fait en réponse? Augustin remarque votre geste de la main en signe de salut. Il fronce un peu les sourcils, mais vous répond avec un signe timide de la main en retour. Ah, pourquoi est-il gêné? Augustin est timide de nature. Il n'est pas à l'aise en présence des autres. C'est pourquoi il peut sembler gêné dans votre présence. Ok, donc je vais aller le voir, puis je lui demande qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Oui, c'est une bonne idée de lui demander ça. Vous vous approchez d'Augustin et lui posez la question. Que fais-tu aujourd'hui? Ouais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Augustin? Augustin se tourne vers vous et répond. Eh bien, aujourd'hui, je vais travailler dans les champs comme d'habitude. Mais tu vois, j'ai un plan secret. Ah oui? Quel est ton plan? Augustin te sourit et dit d'un air mystérieux. Oh, je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Mais tu vas l'apprendre bientôt, je te le garantis. Ok, je vais essayer de lui voler son râteau et je le menace avec le râteau. S'il ne me dit pas de son secret, je vais lui donner un coup de râteau. Non, non, non. Vous ne pouvez pas voler puis menacer votre cousin Augustin avec un râteau. C'est dangereux et ce n'est pas bien. Ouais, mais moi, j'ai pas dit que j'étais bien, mais je veux pas le faire. Je veux faire semblant de le faire, juste pour qu'il me révèle son secret. Même si vous êtes tenté de faire cela pour connaître le secret d'Augustin, cela ne justifie pas de le faire. Vous devriez plutôt lui demander plus gentiment ou attendre qu'il décide de vous le révéler de lui-même. Rappelez-vous que nous devons être respectueux envers les autres, même les non-sauces. Bon, d'accord. Donc, je ne lui prends pas son râteau, mais je baisse mon pantalon et je lui demande « Quel est ton secret? » Non, non, non. C'est tout simplement inapproprié et insultant. Il n'y a aucune excuse pour abaisser son pantalon devant quelqu'un et lui demander son secret. Les bonnes manières et le respect sont essentiels. Non, mais c'est parce que j'ai des poux. Il y a des poux sur mes pantalons, puis je suis tanné de me gratter les jambes. C'est pour ça que je les retire. C'est compréhensible. Si vous avez un petit excès de poids sur les jambes et que cela provoque des démangeaisons, il serait préférable de mettre un pantalon plus confortable ou de porter des shorts pour un effet similaire. Cependant, enlever complètement votre pantalon est très inapproprié dans une société civilisée. Ok, je vais garder mon pantalon. Augustin, quel est ton secret, petit mystérieux? Augustin vous regarde avec un air de mystère et dit « Oh, c'est un secret très spécial, je ne peux le dire à personne. Mais je peux te donner un indice, si tu veux. » Oh, bien sûr, donne-moi un indice. On va-tu le savoir? Augustin sourit et murmure en se penchant vers vous. D'accord, un indice. Disons juste que je prépare un petit projet très particulier. Ça te donne quoi? ça me donne pas grand-chose comme indice. Ben moi aussi, je prépare quelque chose. Moi, je sème des patates. Et toi? Augustin se gratte la tête perplexe. Il a l'air un peu confus par votre indice, mais change de sujet en disant « Eh bien, je vais aussi manger des patates aujourd'hui. Ils sont bons pour la santé, n'est-ce pas? » N'est-ce pas? Et sinon, si tu avais un secret que tu ne voudrais pas dire, quel serait-il? Augustin se gratte le menton en réfléchissant pendant un moment. Puis, il répond avec un sourire mystérieux. « Eh bien, si j'avais un secret que je ne veux pas dire, il serait très intéressant, mais aussi un peu dangereux. » « Ah oui? Mais comment? Je veux le savoir, ton secret, moi. » Augustin semble étonné que vous ayez deviné qu'il avait un secret. Il vous lance un regard soupçonneux et dit « Eh bien, comment avez-vous deviné que je cachais quelque chose ?» Tu es très mystérieux. Ok, que dois-je faire, Augustin, pour savoir ton secret? Que veux-tu savoir de moi en échange de ton secret? On va-tu le savoir? Augustin réfléchit un instant en tapotant son menton pensivement. Puis il dit « Je suis peut-être mystérieux, mais mon secret est très spécial. Si tu veux connaître mon secret, il faudra que tu me dises un secret en retour. » Ok, je te dis mon secret. Mon secret, c'est que aujourd'hui, je ne travaillerai pas. Je vais faire semblant de travailler. Augustin lève les sourcils, étonné par votre secret. Il semble réfléchir pendant un moment, puis dit « Oh vraiment? Tu vas faire semblant de travailler? C'est tout ce que tu as comme secret? » Ok, t'es difficile. ouais, ben c'est ça mon secret, mais tu veux que je te révèle un autre secret? Augustin hoche légèrement la tête et dit « Oui, d'accord. Si tu as encore un autre secret à révéler, je suis curieux de savoir lequel. » Ok, je te le dis. Eh bien, ma femme est une personne de petite taille. C'est mon secret, il ne faut pas le dire. Augustin semble surpris par votre révélation. Il se gratte la tête et dit « Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Ta femme est de petite taille, vraiment ?»« Oui, et maintenant c'est à toi de partager ton secret. » Augustin regarde autour de lui pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre à proximité. Puis il se penche vers vous et murmure d'un air conspirateur « Eh bien, voici mon secret. » Je suis en train de fabriquer une potion magique. Ah oui? Bon, on va le savoir. Elle va servir à quoi, ta potion? Augustin se penche un peu plus vers toi et continue de parler à voix basse. Il dit d'un air confiant, « Eh bien, ma potion magique n'est pas une passion, mon ami. C'est un très grand secret que je garde depuis longtemps. Hey, » Et mon mystérieux. « Servira à réaliser mes rêves les plus fous. » Hey, je commence cette année tes secrets. Donc, moi, je vais creuser un trou de grandeur humaine, de la grosseur d'un cercueil, OK? Augustin semble confus par votre déclaration. Il penche la tête sur le côté et demande doucement. Tu vas creuser un petit cercle de la taille d'une pièce, c'est ça? Non, de la grosseur d'un cercueil. Augustin semble maintenant complètement ahuri par votre déclaration. Il se rapproche de vous et dit d'un air perplexe « Un cercueil? Pourquoi diable veux-tu creuser un cercueil? » Je lui donne un coup de pelle sur la tête à ce moment-là. Augustin pousse un petit cri de douleur et se frotte la tête. Il te regarde un peu ébahi et dit d'un air un peu irrité « Aïe! Pourquoi tu m'as mordu la tête comme ça? » Je redonne un autre coup de pelle, mais plus fort cette fois-là, pour l'assommer. Augustin se recule rapidement et lève les mains en signe de défense. Bon, c'est un ninja. Il dit d'un air effrayé. Non, non, attends. Pas une autre morsure, s'il te plaît. Pourquoi tu veux me mordre de nouveau? Ok. Je t'échange ma femme de petite taille contre ta ferme. Sinon, je te donne un autre coup de pelle. Augustin semble bouche bée et choqué par votre proposition. Il secoue la tête avec vigueur et dit d'un air découragé, une ferme contre ta femme de petite taille? C'est absolument ridicule. Et pourquoi me menacer d'une pelle? Eh bien, Augustin, j'en ai assez. Je m'en vais. Au revoir, Augustin. Augustin te regarde partir, perplexe et un peu soulagé que tu décides enfin de partir. Il se gratte la tête et marmonne. Bon débarras. Mais quel secret bizarre. Bon, tout, il était bête. C'est ça, j'ai donné un coup de pelle. Ben voilà, c'est ça. C'est quand même amusant quand t'as rien à faire. Je pourrais perdre du temps, moi, là-dessus. Tantôt, j'ai vu qu'il y avait aussi, si je vois dans Explorer, en vedette, il y avait un simulateur de Skyrim. On peut jouer dans le monde de Skyrim. Monster Maker, Ghost... je sais pas si je peux le retrouver vite. Jeu, je clique sur jeu. Puis là, ok, bon, on peut en faire une juste pour le fun. Il est là, attends, Life, When, I, RPG Aventure, je veux juste. Ah, Star Wars! Jouer à Star Wars, ok, on y va, Star Wars! On décolle, on appelle notre ami Star Wars. Pour le Star Wars appel en cours. Bonjour, est-ce qu'on peut jouer en français? Oui, bien sûr. Une fois sorti de la cuve médicale, vous vous retrouvez dans un vaisseau spatial en plein mouvement. Le personnel médical se trouve inconscient autour de vous. La bacta commence à s'écouler et l'entrée de la cuve s'ouvre devant vous. Ressaisissant toutes vos forces, vous parvenez à sortir de la cuve. C'est une cuve de quoi? Y a-t-il du liquide dans la cuve? Yes, that's correct. Ok, ok, non, c'est en fait, c'est switch en anglais, ça ira pas bien. Mais en tout cas, j'en testerai d'autres, puis dans le prochain podcast, ça pourrait être le fun de jouer une aventure dans le monde de donjons de Skyrim. Donc voilà, je pense que c'est la fin de ce podcast. Ah, oh, je viens de le trouver, Elder Scrolls RPG. Ok, on l'appelle, juste pour voir. Elder Scrolls... Bonjour, est-ce qu'on peut jouer en français? Oui, bien sûr. Nous pouvons jouer en français si vous préférez. Veuillez continuer à utiliser des phrases françaises. Eh bien, merci. Ici le père Foura qui voudrait jouer une aventure dans le monde de Elder Scrolls. Bienvenue, père Foura. Vous êtes actuellement dans la région de Falkrit. Votre équipement a été volé. Que ferez-vous? Est-ce que autour de moi, il y a des branches par terre? J'aimerais ramasser une branche ou un bâton pour me défendre. Après avoir fouillé autour de vous, vous remarquez quelques petites branches à terre. Aucune n'est vraiment adaptée pour se défendre, mais en combiner plusieurs, elles devraient faire l'affaire. Ben sinon, si je pourrais toujours me ramasser une roche. Moi, quand je joue à donjon, j'ai toujours une roche sur moi. Yes, you can always throw a rock if you have one on you. But if you are unarmed, it would be... Oh, on parle en français, mon ami. Pardon, je voulais dire. Ouais, on peut toujours lancer une roche si on en a une sur soi. Mais si on est sans armes, il serait plus sûr de combiner quelques branches pour fabriquer un bâton ou une lance de fortune. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais me fabriquer une lance de fortune et ensuite, je vais regarder au-dessus de la forêt s'il y a pas, si je vois pas de la fumée. You spend some time collecting branches, combining them together. En français, mon ami. Je suis désolé, mon ami. Vous passez du temps à collecter des branches, les combinant pour former un bâton de fortune. C'est grossier, mais au moins c'est quelque chose. Alors que vous êtes debout au sommet de la forêt, vous scrutez le paysage en quête de fumée. L'air est frais et les arbres abondants, mais il n'y a aucun signe de fumée dans aucune direction. D'accord, est-ce que j'entends une rivière couler? Si oui, je me dirige vers la rivière et je vais descendre en suivant le courant. Vous tendez l'oreille et écoutez attentivement. Au loin, vous entendez effectivement le bruit d'une rivière qui coule doucement. Vous commencez à marcher en direction du son, guidé par le courant de l'eau. Le sol devient plus difficile à marche, mais vous arrivez finalement sur les rives d'une rivière tranquille. Oh! Est-ce que, sur la rive opposée, est-ce bien une personne de petite taille qui a un couteau dans les mains que je vois? pierre et vous apercevez effectivement une personne de petite taille qui a une épée à la main. Donc, je vais traverser à grande enjambée la rivière et aller parler avec la personne. Vous commencez à franchir la rivière en utilisant un rocher pour vous stabiliser et éviter de glisser sur les pierres humides. Finalement, vous arrivez sur l'autre rive où se trouve la personne. Bonjour, quel est ton nom? Moi, je me nomme Solaris. La personne se retourne et vous regarde. Bonsoir, mon nom est Alessa. Je suppose que vous n'êtes pas d'ici. Et non, je ne suis pas d'ici et j'ai complètement oublié d'où je viens. Alessa looks at you perplexed and then says... Ok, bon, il veut switcher en anglais. En plus, j'ai oublié mon nom, j'étais le père Foura. Bon, c'est ça les jeux. C'est pas... J'aimerais ça en trouver un en français. Donc, on fera ça la prochaine fois. C'est quand même assez amusant. Donc, voilà pour ce Lobster 161. Merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. On termine en musique avec la chanson, je crois qu'elle se nommait Primal Fear. Merci, à la semaine prochaine.